suo vot, Carmen, chi me sovie la via. Quant à toi, beau soldat, je prendrai ma revanche, et nous aurons la belle, oui, nous aurons la belle. Le jour où tu voudras reprendre le combat. C'est bon, plus de querelle, nous allons partir. Et toi, l'ami, bonsoir. Raisons-moi, qu'avons-nous dit? Je vous invite tous, concourse des Séville, je compte pour ma part y briller de mon mieux. À qui m'y viendront, et qui m'y viendront. L'ami, tiens-toi tranquille, je te dis, oui, je te dis, et je n'ai plus ici à faire mes Carmen, je suis là de souffrir. En route, en route, il faut partir. En route, en route, il faut partir. Halt! Quelqu'un est là qui cherche à se cacher. Une femme! Par Dieu! La surprise est heureuse. Libère! Reposez! Malheureux!